Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de plonger dans la science avec Futur Simple. Notre cerveau nous joue parfois des tours, il prend des raccourcis, des biais cognitifs qui nous entraînent vers une mésinterprétation des faits ou qui nous incite à prendre une décision qui n'est pas optimale. À 18h30, je recevrai Benoît Béchard qui nous dirait comment faire face aux biais cognitifs. Mais pour le moment, on va plutôt porter notre regard sur les oiseaux car en effet, chaque année, chaque fin d'année, a lieu le recensement des oiseaux de Noël auquel tout le monde peut prendre part. Alors, ça sert à quoi de recenser les oiseaux? Pour en parler, je reçois, et comment on fait d'ailleurs pour participer à ce recensement des oiseaux de Noël. Alors pour en parler, je reçois André Desrochers, il est professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université Laval et il est aussi le responsable régional du recensement de Noël à Québec. Bonjour André. Bonjour Valérie. Alors commençons par le début, André. En fait, ce recensement de Noël qui existe depuis déjà quelques décennies, ça consiste en quoi? Ben en fait, comme le nom l'indique, on essaie d'avoir un décompte assez précis de tous les oiseaux, toutes les espèces confondues, dans une région très précise, à un moment très précis, donc une journée en particulier. Et l'idée derrière le recensement, bien sûr, on peut s'imaginer que ça nous aide à déterminer des tendances de population, comment ça évolue dans les milieux urbains en particulier, parce que ces recensements-là sont généralement en milieu urbain, sont souvent le cercle en fait dans lequel on recense les oiseaux est généralement centré sur un édifice ou un point de repère dans une ville. Donc, c'est vraiment l'état des oiseaux urbain, mais aussi quand même autour, là, dans les banlieues. Donc là, vous avez parlé d'un cercle centré sur un édifice dans une ville. Ça a lieu un peu partout en Amérique du Nord, ce recensement-là? Oui, il y a des centaines, ou plutôt des milliers, en fait, de recensements qui ont lieu pendant la période des fêtes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le recensement des oiseaux de Noël. En fait, ça n'a pas lieu le jour de Noël en particulier. Il y a une fenêtre là, d'à peu près 3 semaines ou 2 semaines là, dans laquelle on choisit une date, puis c'est le jour J. Comme ici à Québec cette année, c'est samedi prochain, donc le 16 décembre que ça va avoir lieu. Et alors, comment on fait pour participer? Est-ce que tout le monde peut y participer? Est-ce qu'on s'inscrit quelque part? Comment ça marche? Tout le monde peut participer. Bien sûr, on veut que les gens sachent compter, puis connaissent un peu leurs oiseaux quand même. Alors là, tous les niveaux sont permis. On peut faire une virée autour de chez soi. On peut observer les oiseaux dans sa cour si on a des mangeoires, par exemple. Tout ça, c'est compris. Puis pour s'inscrire, en fait, il y a la manière dont on procède maintenant, c'est qu'on travaille avec l'application eBird. Et moi, comme responsable, je demande à tous les observateurs qui veulent participer d'inscrire leurs observations dans eBird. Ou sinon, de les écrire sur un bout de papier puis de les fournir à quelqu'un qui est dans le système, si on veut, dans la boucle. D'accord. Donc, il faut s'inscrire, obtenir un compte eBird. Et là, on va trouver un endroit pour dire on participe au recensement des oiseaux de Noël de Québec ou de Montréal ou d'ailleurs. Oui, en fait... juste pour compléter avec eBird, c'est une application générale pour l'observation des oiseaux. C'est une espèce de Facebook des ornithologues, si on veut. Quand on a un compte après ça, on peut télécharger l'application sur notre téléphone mobile, puis simplement ouvrir une liste. On appelle ça une liste d'observation, puis noter les oiseaux à mesure. On ferme la liste après. Et la liste, elle est géolocalisée. Donc, moi, je peux savoir exactement où et quand la personne a vu quoi avec ça. Il s'agit de partager la liste avec l'équipe là, du recensement. Mais on a un groupe Facebook, justement, qui s'appelle Recensement des oiseaux de Noël de Québec, au long. Et puis, les gens peuvent s'abonner au groupe, là, puis avoir toutes les informations, là. D'accord. Et alors, vous avez dit que ça se passe le 16 décembre, donc ce samedi, mais est-ce qu'il faut être présent? Est-ce qu'il faut observer du matin au soir? Ou est-ce qu'on dit, je vais observer de midi à 1h? Il y a des maniaques qui vont se lever très tôt, là, à 6 heures encore, il fait encore noir, là, puis ils vont partir. Il y en a même qui vont aller à la recherche d'oiseaux nocturnes, là, les chouettes puis les hiboux. Mais il y a beaucoup de gens qui vont participer juste quelques heures dans leur journée, voire une trentaine de minutes seulement. Là. Donc, toutes les options sont bonnes. Il suffit de contribuer donc dans la mesure de notre disponibilité au recensement. Moi, personnellement, par exemple, je fais partie des maniaques, si on veut. Ouais. Alors, je sors, il fait encore assez sombre quand je sors le matin, puis je prends un petit lunch rapide, puis je reste dehors jusqu'à la tombée du jour, en après-midi. Mais effectivement, plusieurs personnes vont faire jusque quelques heures, une heure ou deux ou quelques minutes. D'accord. Même. Mais est-ce qu'il faut le préciser à ce moment-là qu'on a observé tel oiseau pendant l'heure du midi ou l'heure du matin ou alors qu'on a observé 50 oiseaux en une heure ou sur 12 heures? C'est pas la même chose? Oui, c'est ça. Donc, il faut préciser, dans le fond, il faut préciser ce qu'on appelle l'effort d'observation. Alors, l'effort d'observation, c'est d'abord et avant tout la durée. Donc, combien de minutes on était? La distance parcourue, si on a marché ou si on s'est déplacé en automobile. Donc, la durée et la distance. Puis aussi le mode d'observation. Je parlais d'automobile. Les gens peuvent faire une virée en automobile, rouler lentement, puis observer les oiseaux. Mais on veut distinguer une virée en automobile d'une virée à pied, par exemple. Parce qu'évidemment, en auto, on va manquer plusieurs espèces d'oiseaux. Là. Surtout si les fenêtres sont remontées. On va peut-être voir les mouettes ou les corneilles, mais peut-être pas le petit bruyant s'il y en a encore. Exact. Puis aussi les mangeoires. On demande aux gens de distinguer s'ils étaient à un poste d'alimentation d'oiseaux ou non. Parce qu'évidemment, comme là tu aussi, peux imaginer... Là aussi, il y a un biais. Là. Il va y avoir, ça va ameuter les mésanges, par exemple, où il va y avoir plus d'oiseaux ou plus de certaines espèces d'oiseaux. Oui. Donc, autrefois, on avait un calepin de notes, puis on notait toutes ces choses-là. Ouais. On avait, par exemple, trois colonnes. On faisait une colonne à pied, une colonne en auto, puis une colonne mangeoire. Puis on notait à mesure les oiseaux qu'on voyait. Puis on envoyait le total au responsable à la fin de la journée. Avec l'application eBird, c'est assez facile. On peut juste démarrer une liste d'observations. Puis elle va minuter, là. On entre les oiseaux à mesure qu'on les voit, puis quand on ferme la liste, ben le minutage est compris, puis même la distance, parce qu'elle se sert du GPS dans le cellulaire, calculer la distance. On n'a pas à faire ces calculs-là. Ça simplifie quand même la chose. Passablement. Mais ça fait beaucoup de données quand même après à compiler. Je me demandais aussi, est-ce que les oiseaux qu'on entend mais qu'on ne voit pas comptent? Oui. Oui? Oui. Alors, si on entend une corneille ou un corbeau, par exemple, les corbeaux, ça arrive assez souvent, on va entendre un cri. Puis on n'est pas capable de le repérer, mais c'est tout à fait valable comme observation. Là où c'est limite, c'est des signes de présence. Alors, on compte pas les signes de présence. Par exemple, si on voit un arbre qui a été picossé par un grand pic, par exemple, le grand pic laisse une trace assez identifiable sur un arbre. On sait que c'est un grand pic. Puis on peut voir des copeaux au sol. On peut jouer au détective. S'il vient tout juste de neiger, puis les copeaux sont sur la neige, on va inférer que le grand pic était là il n'y a pas longtemps, le jour du recensement. Bon, il y a des cas discutables, mais en général, on ne compte pas les signes de présence des oiseaux. On doit avoir la présence. Alors, la même chose pour une gélinotte, une piste de gélinotte dans la neige, ça se reconnaît. Ouais. Mais s'il n'y a pas neigé depuis deux jours, ben là, on ne peut pas savoir si c'était le jour du recensement. Ça veut dire que c'est vraiment important que ce soit le jour J qui est décidé pour le recensement dans notre région. Oui. Puis ça peut frustrer des ornithologues parfois parce qu'on peut avoir un oiseau super rare à notre mangeoire juste la veille. Puis là, on espère le voir le jour J. Puis finalement, il n'était pas là. Puis il se repointe le lendemain. Là, ça arrive. Mais par contre, il y a comme une zone grise. On peut compter les... on nous demande d'avoir la liste des espèces observées dans la semaine du recensement, plus ou moins trois jours. Donc, il y a comme une zone grise où on va compter les espèces, mais on compte pas le nombre de têtes de pipe. Là. On va juste... Donc, par exemple, je vois un épervier de Cooper, qui est une espèce moins commune dans mon secteur, la veille. Ben, ça compte dans le total d'espèces, mais il n'y a pas un oiseau de plus dans le recensement, parce qu'il n'était pas le jour même du recensement. Ah oui, d'accord. Donc là, on a parlé, bon, pour les gens peut-être qui sont à Québec, qui sont localisés à Québec, qui nous écoutent, il y a un recensement, donc, pour Québec, vous parliez d'un cercle. Donc, le cercle, il a un centre. Oui. Comment on le définit, le cercle, à Québec? C'est pas un bing, c'est bien un cercle. Puis, le centre du cercle, c'est l'église de Saint-Sacrement. Okay. Puis, le cercle a un rayon de 12 km, ou un diamètre, donc, de 24 km, ce qui nous amène à l'île d'Orléans, tout juste à la pointe de Sainte-Pétronille, à l'est. À l'ouest, c'est plutôt vers l'aéroport Jean-Lesage. Au sud, vers Pintendre. Puis au nord, vers Wendake. D'accord. Puis à l'est, c'est ça. À l'est, on va vers Beauport. Ouais, Beauport. Mézeray, par exemple, c'est inclus dedans. Oui, ça, c'est bien inclus dedans. D'accord. Puis, c'est ça, Beauport, un petit peu au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y en a d'autres des recensements pour les gens qui n'habitent pas à Québec, qui nous écoutent peut-être, mais qui sont dans les environs? Est-ce qu'il y a d'autres recensements? Oui, il y en a un peu partout en Amérique du Nord. Au Québec, il y en a un à Neuville, là, pas loin d'ici. Donc, mon collègue Marcel Darvaux là, est responsable de ce recensement-là. Il y en a un à Tadoussac, dont je suis aussi responsable. Lui, ça a lieu le 28 décembre cette année. Il y en a ailleurs aussi dans la région de Montréal, bon, en Estrie, etc. Là, il y a une carte qui existe là, sur Internet pour repérer tous les recensements. D'accord. Donc là, on a parlé du côté pratico-pratique, comment on fait, comment on se présente, qu'est-ce qu'on doit observer, qu'est-ce qu'on note, etc. Mais en fait, ça sert à quoi de faire toutes ces observations juste un jour dans l'année? Ben, ça sert à plusieurs choses. Il y a plusieurs aspects à cette question-là et ça sert, comme je disais au début, à avoir une idée de la tendance des oiseaux en milieu urbain. Hein. C'est non représentatif. On met pas des points au hasard sur la carte, là, comme la théorie statistique le voudrait. Mm-hmm. Les points sont centrés sur les villes, comme je le mentionnais, pour des raisons historiques. Mais donc, ça, c'est un portrait qui est pas fidèle de toute la réalité des oiseaux là, dans tous les habitats. Donc, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect, le happening, hein, comme on dit. C'est un événement social aussi. Les gens se mobilisent, puis on a l'impression de faire un travail solidaire. Hein. On sait qu'il y a plusieurs personnes, comme à Québec, on est bien au-dessus d'une centaine d'observateurs là, en même temps. Mm-hmm. Et on voit apparaître sur nos réseaux sociaux là, des observations que les gens font en temps réel, vont, etc. Donc ça, c'est un événement assez particulier. Il y a une dimension sociale. Autrefois, il y avait encore plus, ben je dirais, la dimension sociale a évolué dans le temps parce qu'autrefois, on n'avait pas les réseaux sociaux, bien sûr. Et on était on savait qu'il y avait plein de gens qui observaient en même temps, mais on était un peu dans le mystère, puis on se rassemblait au quartier général du club des ornithologues pour partager nos observations en fin de journée. Puis il y avait souvent un repas, puis tout ça. Maintenant, c'est un peu moins évident parce qu'on a l'information instantanément avec les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de surprise majeure en fin de journée, là, parce que les gens se partagent en temps réel leurs observations. Mais sinon, ces données sont compilées quand même? On en fait quelque chose? Les scientifiques en font quelque chose de ces données? Ah oui, absolument. Alors, à chaque année, moi, je remplis un rapport pour la société Audubon qui gère le recensement à l'échelle nord-américaine. Donc, moi, je donne les totaux pour toute la ville de Québec à la société Audubon chaque année, ainsi que les mesures d'effort, le nombre de kilomètres en automobile, le nombre de kilomètres à pied, le nombre de minutes aussi correspondant, le nombre de minutes aux mangeoires. Toutes ces infos-là, donc, sont livrées là, à la banque de données centrale, puis on peut télécharger, bien sûr, ces données-là pour les analyser. Et ensuite, qui fait l'analyse? Ben, en fait, toute personne qui est compétente et qui veut le faire, c'est des données qui sont disponibles publiquement. Donc, toute personne intéressée peut les analyser. Moi, j'ai même encadré des étudiants gradués qui ont analysé ces données-là pour différentes questions là, sur l'évolution, justement, des espèces d'oiseaux dans la région de Québec. Puis, voilà. À Québec, on a une particularité aussi, si tu me permets d'en rajouter un peu. Notre fameux cercle de 24 km de diamètre, on l'a divisé depuis les années 1970 en 75 parcelles, en 75 secteurs. Alors, moi, mon travail de coordonnateur, c'est d'envoyer des observateurs dans toutes les parcelles dans la mesure du possible. Parce que chaque parcelle a évolué dans le temps de manière différente. Il y a des parcelles en périphérie, par exemple, qui ont subi l'étalement urbain. Les parcelles au centre de la ville ont été beaucoup plus stables dans le temps, et ainsi de suite. Et ça nous permet de faire des analyses beaucoup plus détaillées de l'évolution des oiseaux en fonction de l'évolution du paysage urbain là, dans la parcelle en question. Effectivement, on doit pouvoir voir aussi l'évolution des oiseaux en fonction de la circulation, la présence routière qui est peut-être plus intense sur les routes aujourd'hui. Exactement. Le développement en banlieue qui est plus intense. Mais peut-être que justement, le développement en banlieue, ça amène des mangeoires. Donc, inversement, ça va peut-être attirer des oiseaux. Bien, du haut de ma tête, comme ça, il y a trois grands phénomènes, je dirais trois grosses tendances qui sont bien réelles. Premièrement, l'étalement urbain. Donc, autrefois, autour, comme à Beauport, justement, il y avait des milieux agricoles. Oui. Il y avait des maraîchers, etc. Donc ça, ça a reculé. Alors, il y a des espèces de milieux agricoles comme les alouettes, les plectrophanes. Ben, les goglus, évidemment, sont migrateurs, donc on les a plus là, au recensement de Noël. Mais les plectrophanes, par exemple, c'est des oiseaux qui ont reculé passablement là, dans les populations. Le jour du recensement, ont baissé, ont chuté même. Par contre, Il y a une autre tendance, c'est celle des mangeoires, comme tu mentionnais, qui a poussé donc à la hausse là, des espèces comme les roselins, les sittelles, les pics, pour ne nommer que ceux-là. Puis un troisième facteur aussi, quand même, qu'on a tendance à ignorer, c'est les arbres. La ville de Québec est beaucoup plus boisée qu'elle ne l'était. Je n'ai pas les chiffres, j'aimerais qu'on vérifie ça quand même, mais mon impression, c'est que dans les banlieues, souvent, on plante des petits arbres, etc., mais les fouettes, moi, je me souviens, dans mon coin, il y avait des petits fouettes, là, hein, comme on dit, le long de la rue, mais maintenant, c'est des gros arbres matures, là, puis ça, évidemment, ça a un impact positif sur certains oiseaux, comme le grand pic, justement. Même des arbres plus petits, mais on le voit bien en hiver quand il n'y a plus de feuilles, mais les nids des petits oiseaux sont dans les petits arbres, ils ne sont pas dans les grands arbres matures. Oui, exactement, comme les chardonnerets, on voit souvent les nids apparaître là, à l'automne, quand les feuilles tombent, puis on se dit... Oh, il y en avait un tout près du sentier, puis je suis passé à côté plusieurs fois dans l'année, j'ai jamais rien remarqué. Ouais. Effectivement. Mais donc, les arbres, les mangeoires, puis l'étalement urbain, c'est trois facteurs on avait dans un projet gradué, justement, on avait déterminé qu'à peu près 25% de la tendance des populations d'oiseaux comptées lors du recensement, 25% de la tendance était explicable localement. Parce qu'il y a des facteurs qui sont régionaux. Là. Il y a une espèce peut être en hausse simplement pour des choses qui se produisent à des centaines de kilomètres d'ici. Mais les facteurs locaux là, liés à l'étalement urbain, etc., expliquent à peu près un quart de la variabilité, si on veut, d'une année à l'autre. C'est vraiment intéressant. Puis on doit retrouver donc ces tendances-là. Si on observe une tendance de l'étalement urbain sur la population de certaines espèces d'oiseaux à Québec, on doit retrouver cette tendance dans d'autres villes quand même. Oui, effectivement. C'est une des manières, d'ailleurs, de déterminer est-ce qu'il y a des particularités aux différentes villes. Est-ce que les tendances sont parfaitement parallèles d'une ville à l'autre? Ouais. Évidemment, la réponse, c'est non. Mm-hmm. Parce que, comme Québec, on sait qu'il a battu des records d'étalement urbain, je pense, au Canada. Là. Mm-hmm. Mais c'est pas le cas de toutes les villes, bien sûr. Là. Alors là, il va y avoir un recensement le 16 décembre. Vous me repreniez, justement, à propos du goglu, que nous, on n'observe pas de goglu en ce moment parce qu'il est parti. Donc, on peut observer quoi comme oiseau en ce moment? On a l'impression qu'à parler mésanges et quelques pics, peut-être quelques corneilles, ça va pas être très très riche. Ouais, ben d'une année à l'autre, bon an, mal an, on voit autour de 60, 70 ou 80 espèces quand même. Oui, beaucoup de choses. Mais là, les ornithologues, évidemment, on va fouiller dans tous les petits buissons. Puis le fleuve aussi est un gros et l'éléphant dans la pièce, si on veut. Alors, il y a des années où c'est la banquise. Où là, il n'y a pas grand-chose, le fleuve n'a pas grand-chose à offrir. Cette année, c'est bien parti pour que le fleuve nous offre beaucoup de choses parce qu'il est dénué de glace là, actuellement. Mm-hmm. Donc, on s'attend de voir plusieurs oiseaux aquatiques, évidemment, les canards, etc., vont être au rendez-vous cette année. Donc, il y a quand même une bonne diversité d'espèces. Puis, au fil des années, je pense qu'on est rendu autour de 140 espèces là, qui ont été... Comme actuellement, il y a un piranga à tête rouge qui est un oiseau frugivore. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Insectivore qui est cantonné à un bloc de suif quelque part là, dans l'est de la ville. Puis là, on l'attend de pied ferme. Lui, le jour du recensement, on espère qu'il va être encore au rendez-vous. Donc, les raretés comme ça, à chaque année, il y a comme un oiseau de l'année. Là. Je pense que la vedette, là, peut-être cette année, ça va être lui, là, s'il est encore parmi nous samedi prochain. Ben, c'est-à-dire que ceux qui savent, les ornithologues qui savent qu'il est là, ils vont aller se précipiter samedi pour voir s'il est encore là pour le noter. Ah oui, c'est sûr. Ça va faire la file. Mais... En fait, pas vraiment, parce que il va y avoir une ou deux personnes dans ce secteur-là seulement qui va être responsable de noter les oiseaux du secteur. Mais cette personne-là, donc, va certainement être... la mangeoire en question, là, aux premières heures. Ouais. Mais justement, s'il peut y avoir un biais, parce que si plusieurs personnes observent le même oiseau, et là, ce serait facile à savoir avec le piranga, parce qu'on comprend qu'il ne doit pas y en avoir des dizaines. Ouais. Mais s'il y a, pour d'autres espèces qui seraient peut-être, plus communes, il se peut très bien que plusieurs personnes observent le même individu. C'est une excellente question, puis c'est un problème, évidemment. C'est pour ça que... On essaie de coordonner les efforts, justement, de répartir les observateurs pour avoir une bonne couverture géographique, mais aussi pour pas que les gens comptent les mêmes oiseaux. Il y a des oiseaux qu'on a peu de chance de compter plusieurs fois, comme les mésanges, les petits oiseaux communs, là, qui ont pas un gros déplacement, si on veut. Par contre, les bernaches, les pigargues qu'on peut observer. Vous savez, un pigargue à tête blanche qui part de Saint-Augustin, là, puis qui décide d'aller à Sainte-Pétronille, il risque d'être compté 10 fois le jour c'est du vrai? Recensement. C'est embêtant, ça. Alors là, on a une règle. Là, actuellement, je travaille justement pour avoir un protocole d'analyse qui va éviter de compter des oiseaux qui se déplacent beaucoup, comme le pigargue, s'ils sont en deçà d'une certaine distance, par exemple 1 kilomètre. Donc, on pourrait dire, par exemple, si Bon, un pigargue, un kilomètre, c'est probablement pas suffisant, mais mettons 5 kilomètres. Si l'oiseau est observé à au moins 5 kilomètres de l'autre, on va assumer que c'est un nouvel individu. Bon, on peut avoir des règles comme ça. Il faut avoir une transparence là, dans l'analyse pour que les gens puissent voir comment on s'y est pris. Mais effectivement, c'est un problème. Mais même avec bon, les maisons, je vous dis, ça ne se déplace pas beaucoup, mais elles vont venir plusieurs fois manger à la mangeoire, les mêmes mésanges. Faut pas qu'on les compte chaque fois qu'elles viennent. Oui, il n'y a pas trop de danger par rapport aux mésanges. J'avais d'ailleurs une anecdote là-dessus. J'avais un ami qui avait une mangeoire un petit peu assez loin du centre-ville, mais quand même, il y avait une mangeoire, puis il y avait des mésanges qui venaient évidemment régulièrement à sa mangeoire. Puis j'avais demandé de m'estimer combien il croyait qu'il y avait de mésanges à sa mangeoire. Ouais. Il m'a dit une vingtaine à peu près. Ah. Mais on n'en voyait jamais 20 ensemble, mais toujours 4, 5, 6, etc. J'ai bagué les mésanges en question. J'avais un permis de bagage, puis je faisais une étude sur les déplacements de mésanges, puis je donnais à chaque oiseau un code de couleur. J'avais des petites bagues de plastique colorées. Pour les repérer, voilà. Donc, il n'y avait pas deux oiseaux qui avaient le même code. J'étais rendu à 110 mésanges différentes baguées à sa mangeoire. Ah oui? Ouais. Mais c'est bien plus qu'on aurait pu le penser, alors. Oui, absolument. Mais ça, c'était en banlieue. Par exemple, lui, il devait drainer, entre guillemets, des mésanges. Là, en fait, j'ai constaté au printemps suivant qu'il y avait des mésanges baguées qui étaient à plus d'un kilomètre de sa mangeoire. Donc, il y avait des oiseaux qui se déplaçaient énormément pour aller à sa mangeoire. Par contre, en ville, ben là, il y a des mangeoires un peu partout. Fait que les mésanges n'ont pas besoin d'aller faire des kilomètres pour trouver mais peut-être qu'elles ont ce problème de mangeoire en mangeoire, qu'elles font le tour des mangeoires. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il n'y a pas de danger de surestimer le nombre de mésanges. Parce qu'il y en a un nombre probablement assez astronomique. Non, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé que les quelques mésanges qu'on voit, parce qu'elles viennent par 3, 4 ou 5, mais rarement plus. Et je pensais que c'était toujours les mêmes, mais peut-être qu'il y en a, elles sont peut-être plus nombreuses que ça. Ouais. Ben, en fait, on pourrait faire une émission entièrement sur les déplacements des mésanges. Parce qu'il y a tout un écosystème là-dedans. Puis en ville, on ne pense pas que les mésanges se comportent du tout de la même manière que celles plus en forêt. Ah ouais? Les groupes ont de la plus petite en ville. Souvent, les oiseaux restent en couple carrément. On va souvent voir juste deux mésanges à tête noire, alors qu'en forêt, c'est rare qu'on voit juste deux mésanges à tête noire en hiver. Là, on va voir les groupes plus volumineux. Donc, il y a matière à réflexion là-dedans. Ah ouais. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut obtenir de ce recensement de Noël. Est-ce que ce sont des informations que les scientifiques ne pourraient pas aller chercher sans le recensement de Noël? Absolument. Qu'est-ce que ça apporte de plus que ce qu'ils font déjà? Ben, ça serait, c'est ce qu'on appelle la science citoyenne ou la science participative, hein. C'est un des beaux exemples de ce phénomène-là. Et là, on profite donc des milliers et des milliers d'ornithologues pour avoir ces données-là. Si on avait un dispositif scientifique avec des gens payés pour aller faire des inventaires, là, ça coûterait une fortune, on pourrait pas y arriver. Oui, on pourrait pas recruter des étudiants ou des. on pourrait avoir un dispositif très rigoureux là, au niveau de l'échantillonnage. Ouais. Donc, on gagnerait sur la qualité. Mais il arrive un point où la quantité nous permet de compenser pour la qualité plus faible, parce qu'on comprend que, bon, il y a des gens qui commettent des erreurs d'estimation, d'identification, etc. Mais les tendances lourdes, on les capture très bien avec ces projets de sciences citoyennes-là, même s'ils sont relativement peu, structurés scientifiquement. On les compare avec des programmes plus rigoureux, puis on se rend compte que le signal est observé, il est le même, fondamentalement. Mais est-ce que ces informations-là qui sont compilées avec ces données des recensements de Noël servent à alimenter des recherches qui vont après dans les publications scientifiques? Absolument. Oui. Bien, comme je mentionnais tout à l'heure, moi, j'ai encadré des étudiants qui ont travaillé avec ces données-là. Ça finit dans la littérature scientifique, là, pas toujours, mais les résultats, quand on a des résultats qui sont parlants, évidemment, ben là, tout à fait, là, il y a beaucoup de littérature scientifique qui est fondée sur le recensement des oiseaux de Noël. D'accord. Donc là, c'est un rendez-vous donc le samedi. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui sont dans ce cercle de 12 km autour de l'église de Saint-Sacrement ou qui ont envie de se déplacer dans ce cercle-là, peuvent s'ouvrir un compte sur l'application eBird, c'est ça? Ça, c'est une des possibilités, ou simplement aller sur Facebook. Bon, si on n'est pas maniaque de Facebook, ça pose problème parce que il y a aussi le site du Club des ornithologues de Québec qui contient les informations, ou du moins les liens vers les détails. Donc, le Club des ornithologues de Québec, qui ont un site web, et parmi les activités, on va retrouver le recensement des oiseaux de Noël. Donc, ça va nous amener aux bons endroits pour aller chercher les détails. Vous m'avez présenté, si les gens cherchent à l'Université Laval, André Desrochers, vont trouver mes coordonnées. aussi pour puis c'est une invitation, vous communiquez avec moi puis je vais pouvoir vous guider puis on s'arrangera. Mais sinon, le groupe Facebook, évidemment, du recensement des oiseaux de Noël de Québec. Alors, c'est un rendez-vous donc ce samedi, en espérant que peut-être le temps soit d'accord avec nous. Ce sera peut-être plus facile. Mais d'un autre côté, ça peut être intéressant aussi. Les observations sont peut-être pas les mêmes par beau temps et par mauvais temps. Et peut-être que ça joue aussi, c'est peut-être un biais ou un facteur à prendre en compte dans la compilation des données. Oui, bien, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a eu, il y a quelques années, une journée de pluie verglaçante, là, c'était épouvantable. Généralement, quand on voit venir le mauvais temps, on reporte au lendemain le recensement. Oui. Comme cette année, c'est notre plan B, là. Si jamais il annonce une tempête samedi, ben on déplace tout le dimanche. Moi, je demande à mes assidus de réserver leur fin de semaine au complet. Ah, pour être bien sûr que je perdrai pas trop de monde si jamais on doit reporter. Puis l'effet de la météo, il est surtout évidemment sur l'effort qui va être beaucoup plus faible s'il fait trop froid ou c'est venteux, etc. Ouais, ouais. Mais les oiseaux se camouflent aussi par mauvais temps, donc c'est ça, on va les voir moins. Exactement, s'il pleut, ils sont cachés, s'il y a du vent, s'il fait froid, ils vont se cacher, on verra moins. Mais en tout cas, peut-être que cette année, vous aurez un peu plus d'observations. S'il fait beau, peut-être qu'il y aura peut-être plus d'observateurs qui vont vous rapporter des observations. On l'espère. On va voir ça. Là, il annonce du beau temps, fait que, à date, là, on va toucher du bois. Alors, merci beaucoup, André, de nous avoir expliqué le quand, pourquoi, comment participer à ce recensement des oiseaux de Noël. Et je rappelle que vous êtes professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université Laval. Merci beaucoup, André. Merci à toi.